veux des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Y'a que des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Maintenant morning sur la table de chevet. Est-ce que je dis fais pas ce que je fais? On me run sur parking, patate fusil à pompe, c'est hard d'arrache, pas de vœux, je serai. Sous ouvrais mes gilets soudants, levez les abris coûtants. Ramène un miroir devant nous, je vais te montrer moi le mec qui baisse tout le temps. Salut, fallu, je photographe. J'y baisse pas de la photogreffe. Pour l'oser, les photogriffes, t'es mort si je descends de la moto. Bref, cherche un féfé sans permis. Les petits blessent les grands frères, tu. On sort de la zermi, on la zone, mi, pire ennemi, c'est le temps perdu. Des bains de sang dans ma zone. Des bains de sang dans ma zone. Des bains de sang dans ma zone. Des bains de sang dans ma zone. Y'a que des bains de sang dans ma zone. Des bains de sang dans ma zone. Des bains de sang dans ma zone. Des bains de sang dans ma zone. Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why. Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why. On m'étend déjà mon flou pas d'état d'âme. On attend des sommes à faire trembler ta femme. On cherche pas les meufs dans les clubs de Paname. Tu mets des magnums mais on met des bananes. Je traîne dans le hood, baisse dans la caravane. Je sens que le hood fuck pas qu'on rabat. Triangulaire Alger, au rabat. On fume la peuple à passer dans un cabas. On vend des kilos tout en prenant du poids. Je suis comme pilon, faut pas montrer du doigt. J'ai le bras long, la mort te meurt du doigt. La rue te rattrape, petit père, ce que tu dois. Rentre plus fort, ton séchelle ne tue pas. J'ai la tête sous l'eau, respire dans un tuba. Je vais me barrer bientôt, j'ai des plans à Cuba. Je fais pas mes impôts, mes gars, ce qu'il y a à Cuba. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Y'a que des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why. Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why, Jalash Tuka, why. Charge les meufs, bâtard, on part au front. On fait du genre art négro, la tâche au front. Y'a ceux qui flippent, y'a ceux qui font. Y'a ceux qui sucent rebeux, qui donnent leur fion. La rue c'est sombre, faut pas que tu confondes. Tu risques ta vie comme un convoyeur de fond. 93, on a plus son bouton. On te met ta grand-mère, c'est fini la baston. J't'avais dit qu'il fallait qu'on se tire. À cause de toi, les salopes conspirent. Quand t'entendras, t'auras pas le temps de dire. La rafale vient pas pour t'attendrir. Dans mon équipe, y'a pas de gens qui flippent. Fais pas le mytho, fais pas le gentil flic. Devant l'ennemi, il faut que j'anticipe. Ton corps, t'as pas police scientifique. Y'a que des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Y'a que des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Des bains sans dans ma zone. Jalash Tuka, why, Jalash Tuka,